Ce soir-là, lorsque la cousine bête reçut son bougeoir des mains de la portière, elle s'avança pour voir si les fenêtres de la mansarde au-dessus de son appartement étaient éclairées. À 7 heures, en juillet, il faisait si sombre au fond de la cour que la vieille fille ne pouvait pas se coucher sans lumière. « Oh, soyez tranquille, Monsieur Steinbock est chez lui, il n'est même pas sorti, » dit malicieusement la portière à Mademoiselle Fischer. La vieille fille ne répondit pas. Elle était encore restée paysanne en ceci, qu'elle se moquait du « qu'en dira-t-on » des gens placés loin d'elle. Et, de même que les paysans ne voient que leur village,